Évariste Ndiko Banyanga. Bienvenue à ce journal, l'édition dans la mi-journée de ce mardi 24 octobre 2017. Mais Toussaint Mitebouti est de l'autre côté de la vitrine. D'abord, les principaux titres. Le ministère de la Justice, par le biais de son porte-parole, indique qu'il ne peut pas négliger une affaire qui concerne l'assassinat de feu Melchior Ndadaye. Adolphe Abdelimana le dit après le cri d'alarme de l'épouse de Ndadaye à la veille de la célébration du 24e anniversaire de l'assassinat de ce héros de la démocratie. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale trouve que le gouvernement ne devrait pas demander à la population des contributions pour les élections de 2020. Agathon Rwasa indique que cette dernière est confrontée à une pauvreté sans nom. Le reportage de ce mardi nous conduit à Ruyigui, dans le centre de rééducation des mineurs qui sont en conflit avec la loi. Et la chronique santé d'aujourd'hui nous parlera du diabète, deuxième partie qui concerne les principales complications comme les troubles de la vision et amputation. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour et bienvenue. Quatre Burundais, dont deux chefs des mouvements rebelles FPB, auraient été arrêtés en République unie de Tanzanie samedi dernier, selon Adolphe Manirakiza, porte-parole de ce mouvement. Adolphe Manirakiza a indiqué sur les ondes des radios BBC et La Voix d'Amérique que ses dirigeants de ce mouvement étaient allés dans ce pays pour rendre visite à leurs membres. Jusqu'à présent, le flou plane autour de cette arrestation. Le porte-parole du gouvernement du Burundi, Philippe Nzobonariba, fait savoir qu'on ne peut pas faire des commentaires sur une rumeur, selon le journal Igihe via son compte Twitter. Page justice, le ministère de la Justice tranquillise la famille de feu président Melchior Ndadaye et son avocat que la justice a déjà entendu leur appel de continuer l'instruction de l'affaire en rapport avec l'assassinat du président Ndadaye. Le porte-parole de ce ministère indique que la justice ne peut pas négliger une affaire qui concerne l'assassinat d'un président de la République. Adolphe Abdelimana promet que le ministère de la Justice attache déjà une grande importance à ce dossier. Suivez-le. La famille du président Melchior Ndadaye est en droit de demander la justice. Nous, au niveau de la justice, on ne peut pas négliger un dossier en rapport avec la vie, la mort plutôt du président. Même d'autres dossiers qu'on peut considérer de petits dossiers, au niveau de la justice, il n'y a pas de dossier tabou. Tout dossier qui est porté à la justice doit avoir une issue. Qu'est-ce qui explique que depuis 1999, au moment où le jugement a été rendu au premier degré, jusqu'à maintenant, ce dossier ne soit pas tranché? Je crois qu'on peut classer ce dossier comme un dossier qui n'était pas facile à traiter. Mais actuellement, comme on n'a pas le dossier sur nous, on ne peut pas affirmer pour le moment ce qui a empêché le dossier a été clôturé, bien a été prononcé au moment utile comme beaucoup de gens le pensent. La famille du président Melchior Ndadaye s'inquiète que cette affaire pourrait glisser dans la commission Vérité et Réconciliation. Qu'est-ce que le ministère de la Justice en dit? La loi portant création de la CVR n'empêche pas que les dossiers qui sont au niveau des organes judiciaires ne soient pas traités suivant la procédure pénale. Donc, à vous entendre, vous tranquillisez la famille de fait président Melchior Ndadaye que la justice va continuer ses instructions jusqu'à prendre une décision par rapport à cette affaire. D'ores et déjà, je peux vous affirmer que le dossier sera vite traité pour dire que la justice pourra prendre cette question avec beaucoup d'importance. Le porte-parole du ministère de la Justice était au micro de mon confrère Joseph Nsabiabandi, cap sur l'ouest du pays, en province de Bubanza précisément, où le directeur de la prison centrale de cette province est derrière les verrous depuis ce lundi. Yves Kevin Ilambona a d'abord été auditionné au parquet de Bubanza avant d'être conduit à la prison centrale de Mhimba à Bujumbura. Il est accusé de libérer les prisonniers déjà condamnés qui, arrivés à l'extérieur, commettent d'autres forfaits selon le procureur de la République dans cette province de l'ouest du pays. Les détails, c'est dans cette correspondance signée Space Caritas Kabanyan. Ce lundi, aux environs de midi, le directeur de la prison centrale de Bubanza a été arrêté et conduit au parquet de Bubanza. Après avoir été auditionné par un substitut du procureur, Irambona Yves Kevin a été embarqué dans un véhicule et gardé par des policiers. Il a été conduit vers Bujumbura. Il serait détenu pour le moment à la prison centrale de Mimba. Des sources en provenance du parquet de Bubanza indiquent qu'il est accusé de libérer les prisonniers déjà condamnés et arrivés à l'extérieur, ils commettent d'autres forfaits. Richard Ndayisaba, procureur de la République à Bubanza, donne l'exemple de deux détenus qui étaient condamnés, l'un à 20 ans de prison ferme, l'autre à 10 ans de prison, et qui sont souvent à l'extérieur de la prison pour des raisons non connues. Le procureur de la République donne également l'exemple d'un certain Dikoumana Samuel qui est parmi ces condamnés et qui a été attrapé ce dimanche en train d'acheter un fusil de type pistolet non loin de la prison. Irambona Yves Kevin a été donc arrêté pour répondre à propos de cette liberté accordée aux condamnés et qui ne cesse de commettre d'autres forfaits selon Richard Ndayisaba, procureur de la République à Bubanza. Pescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Space Caritas et Kavanyana quittant Bubanza pour Ngozi où une maison d'un certain Alexis Mukamiye a été brûlée ce lundi. C'est sur la colline Moussoumba en commune Gachikanoa. Les auteurs et le mobile de ce forfait restent inconnus, mais la police dit avoir entamé les enquêtes. Dans cette même commune sur la colline Gihondo, une grenade a été découverte par la population dans un champ puis remise à la police. Une courte pause. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président de la coalition Amizero Abarundi demande au gouvernement de sursoir sur le projet de la loi portant contribution de la population aux élections. Pour l'honorable Agathon Rwasa, ce sera imposer la population doublement puisque la loi budgétaire en cours prévoit une rubrique de plus de 6 milliards destinée au financement des élections. Il soutient toutefois que celui qui veut contribuer puisse le faire volontairement, comme certaines autorités l'ont fait avant que cette loi existe. On l'écoute. Je suis d'accord qu'on puisse financer nos élections. Et je crois être parmi les premiers à avoir proposé cette démarche. Mais nous avons déjà une loi budgétaire 2017, qui prévoit une provision de 6 milliards pour les élections de 2020. Cette loi budgétaire n'a jamais été révisée pour qu'on en vienne à ce genre d'ordonnance. Pour 2017, on a, pour la commission électorale indépendante, un budget de 7 milliards 200 millions. Ce que l'on devrait faire, c'est plutôt de voir, par rapport à 2020, on aura besoin de quel montant et majorer l'allocation à cette provision. Sinon, je ne crois pas que cette population qui est si misérable ait demandé qu'on lui impose davantage. Non, tout simplement, je crois que c'est l'idée du ministre de l'Intérieur et des gouverneurs réunis en Ngozi que l'on puisse imposer cette contribution. Mais si c'est déjà une imposition, ce n'est plus une contribution volontaire. Plutôt, il faudrait peut-être suivre l'exemple du président de la République et d'autres qui ont volontairement contribuer, qu'ils ont pu donner. J'aimerais demander au gouvernement, à défaut de sursoir à cette mesure, de le suspendre momentanément. Le temps d'analyser tous les contours de la question. Puisqu'on paie les impôts, taxes sur tous les produits de consommation, les salaires sont statiques, on a majoré les coûts à la régie des eaux pour l'eau et pour l'électricité. Les problèmes de carburant font que les frais de transport augmentent, les prix flambe et pour la plupart des gens vivent sur découvert. Mais selon toujours le gouvernement, la population elle-même en a réclamé au cours du dialogue mené par la CNDI. Je ne pense pas que la population ait demandé qu'on lui impose davantage. La population se serait exprimée dans cette logique de dire que si les partenaires étrangers s'abstiennent à contribuer au financement de nos élections, autant mieux voir comment financer les élections sur nos propres fonds. Comment est-ce que quelqu'un qui à peine peut s'acheter du sel peut vous dire « je veux que vous m'imposez de vous donner le peu que j'ai pour qu'on ait des élections ». Une double imposition n'est pas acceptable. C'était Agathon Gwasa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président de la coalition Amizero Yabarundi. Il répondait aux questions de Ben Niyunguru. Parlons circulation routière à présent. Certains feux tricolores qui réglementent la circulation routière dans la ville de Bujumbura ne sont pas parfois fonctionnels. Certains des passagers qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro demandent aux instances habilitées de revoir le fonctionnement de ces appareils. Ils expliquent que la circulation routière est de nouveau difficile dans les rues du centre ville de Bujumbura. C'est le reportage signé Didier Gahimbad. Dans certains milieux de la ville de Bujumbura, où se trouve l'effet tricolore, ces appareils tantôt ne fonctionnent pas, tantôt ils sont en bon état. Nous sommes au boulevard Patrice Lumumba, en face du bureau national des postes, à côté du palais des arts. Sur cette route, le feu tricolore n'était pas fonctionné aux environs de 10 heures. À ce moment, c'était vraiment difficile de savoir si c'est le piéton ou la voiture qui est dans son priorité pour passer. Certains passagers qui s'y trouvent indiquent que ça faisait environ 4 jours qu'il ne fonctionne pas. Nous sommes mardi. Vendredi, il ne fonctionnait pas. Donc, ça fait à peu près 3 jours. Lorsque les feux tricolores sont fonctionnels, c'est formidable. Personne ne règle la circulation. Les chauffeurs se donnent le passage et les piétons traversent la route facilement. Mais lorsqu'ils ne sont pas fonctionnels, c'est une bousculade. Cette personne demande que ce feu tricolore fonctionne régulièrement pour faciliter la circulation routière. La situation ne peut pas être comme dans le passé. Comme ils étaient déjà installés, on espère qu'ils vont progressivement régler ce dysfonctionnement. Les mêmes feux tricolores sont installés sur la jonction du chaussée Prince Louis Gwagasole et l'avenue de l'Amitié près de l'ex-marché central de Bujumbura. Ne fonctionnait pas également sur le boulevard du Peuple Murundi à côté de la zone Buyenzi. Merci à Lydia Gahimbare pour ces détails. La route nationale numéro 3 reliant Rumonge et Bujumbura est dans un état de délabrement avancé. Les usagers tirent la sonnette d'alarme pour sa réhabilitation. Le reportage est signé Jean-Pierre Misako. Il ne s'agit pas là d'un concasseur, mais d'un minibus type EAS de transport qui traverse des nids de poules dans la route nationale numéro 3, reliant Lumonge à Bujumbura. Sauf le tronçon Bujumbura-Rutunga, où il est possible de parcourir près d'un kilomètre sans nid de poules. Ailleurs, le chauffeur reste vigilant, puisqu'à tout moment, il traverse un nid de poules. Les propriétaires de véhicules, les chauffeurs ainsi que les passagers se lamentent, les premiers pour l'amortissement de leurs véhicules et les autres pour leur santé. Tous demandent au gouvernement burundais que cette route soit réhabilitée. Dans cette route, un homme bénévole tente depuis près de 10 ans de paver ce nid de poules. Mais il est dépassé vu le nombre et la grandeur de ces nids de poules. Jean-Pierre Misago depuis Lumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Revenons sur Bujumbura, la capitale, où des plantations d'amarante et de maïs se manifestent à côté de la gare du Nord, en face du quartier 6 de la zone Ngagara. Cette place avait été auparavant aménagée par la mairie de Bujumbura dans le but de protéger les tuyaux d'écoulement des eaux usées en provenance des ménages. Une place pour le moment caractérisée par des odeurs nauséabondes. Le constat est de Florence Ndairagic. Au bord de la route macadamisée qui mène vers la gare du Nord au niveau du quartier 6, la place communément appelée Kumwembe se trouve des champs d'amarante et du maïs. Un puits des eaux usées provenant des ménages des environs se trouve au milieu de ces champs. Une odeur nauséabonde se dégage de ce puits. Les personnes qui étaient en train de cultiver ces champs indiquent qu'elles utilisent ces eaux usées pour l'arrosage. Même si elles ont refusé de s'exprimer sur nos micros, elles les trouvent normales l'utilisation de ces eaux usées. Pour elles, il n'y a aucun danger car ces produits sont d'abord cuits. La mairie de Bujumbura avait réservé cette place dans le but d'y planter du gazon pour protéger les tuyaux d'évacuation. Les personnes trouvées sur place affirment que c'est le chef de quartier qui leur a donné l'utilisation du cultivé. On a essayé de joindre le chef de quartier par téléphone sans succès. À la source, reportage. Je vous le disais en titre, le reportage du jour nous conduit en commune et province Ruigi dans le centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi. Un centre qui abrite actuellement 45 mineurs, mais la capacité d'accueillir étant de 72. Le déplacement de ces jeunes pour les soins de santé et la comparution reste l'un des défis à ce centre, indique Jean Bosco Hitimana, responsable de ce centre. Mireille Kanyangé est de retour. Voici son reportage. Ce centre est construit sur la colline Rutimbura, en zone Bisinde de la commune Ruigi, à 4 km du chef-lieu de la province Ruigi, sur la route nationale numéro 13. Devant la parcelle, il y a des bananeraies et des ruches. Le mur est peint en blanc. Il y a également des dessins des enfants se tenant par les mains et des concertinas sur ce mur. Une fois à l'intérieur, l'on remarque que ces enfants ont conflit avec la loi, les uns jouant aux jeux de société, les autres cultivant de petits champs, d'autres encore font la lessive. Le centre est construit sur environ 2 hectares. L'on trouve également un poulailler, une porcherie, un dortoir à 3 blocs avec des lits superposés, un réfectoire et des blocs administratifs. Les mineurs en conflit avec la loi ont un âge compris entre 15 et 18 ans, 45 au total, dont 13 prévenus et 32 condamnés pour viol et vol, indique Jean Bosco Hitimana, responsable de ce centre. Essentiellement, ici, nous avons les mineurs qui sont accusés de viol. Ce sont les dossiers que nous voyons qui sont très fréquents. Et là, il y a des explications. Si on essaie d'échanger avec eux, ce sont des enfants qui ont grandi dans des conditions défavorables. Et puis, avoir l'âge de l'adolescence aussi, ça peut influer. Donc, sinon, nous avons essentiellement les dossiers de viol. Et puis, après, vient le vol qualifié. Le vol qualifié, là aussi, les causes, ce sont les mêmes. Ce centre, créé en 2015, sur initiative du Fonds onusien pour l'enfance UNICEF et le ministère burundais de la Justice. Comme l'indique M. Hitimana, le grand problème à ce centre est le déplacement des mineurs pour les soins de santé et la comparution. Ces enfants quittent ce centre en chemise jaune vers le chef-lieu de la province Ruigi. Le problème majeur qui rentre ce centre, c'est le problème lié aux moyens de déplacement parce que les mineurs que vous avez vus, accompagnés par les policiers, ce sont les mineurs qui se rendaient à Ruigi, à la prison de Ruigi, pour se faire soigner. Donc, avoir la distance et Ruigi centre et ici au centre des mineurs, vous voyez, il y a 4 km. Donc, nous avons un problème de déplacement, surtout pour les mineurs qui sont malades. La maladie peut être très grave au cours de la route et ça devient problématique pour le déplacement. Pour les soins de santé, on devrait avoir un infirmier ici, mais jusqu'à présent, nous n'en avons pas. Donc, ils se rendent à Ruigi. Le centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi de Ruigi accueille seulement des garçons comme celui de Rumongue. Les filles vont dans la prison pour femmes en province Ngozi. Tout enfant mineur, comparé avec un avocat, fourni par l'Association des femmes juristes. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle des complications et traitements du diabète. Le docteur Innocent Ngurunziza, directeur du programme national des maladies chroniques non transmissibles, indique que les troubles de la vision et amputation figurent parmi les principales complications du diabète. Mais les gens doivent savoir que l'activité physique et la surveillance de l'alimentation font partie intégrante du traitement du diabète. Les détails avec Francine Ndokougaï. Nous vous avons parlé dernièrement du diabète qui correspond à une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Le docteur Innocent Ngurunziza, directeur du programme national des maladies chroniques non transmissibles, fait savoir que cette augmentation de la glycémie peut provoquer plus ou moins à long terme des lésions de différents organes. Avec le diabète, les petits vaisseaux, les capillaires qui alimentent les cellules de l'organisme sont souvent bouchés et ça commence par les extrémités. passer dans les yeux. Avec le temps, 5 ans et plus, le patient peut développer des troubles de vision qui vont aller jusqu'à la cécité. Avec aussi au niveau rénal, il y a une insuffisance rénale. Au niveau des extrémités, il y a absence d'irrigation par les petits vaisseaux qui se bouchent et il n'y a pas d'irrigation au niveau périphérique, ce qui entraîne des nécroses des pieds avec insensibilité qui entraîne des amputations et des plaies diabétiques aussi, des pieds qui peuvent arriver même jusqu'aux genoux, voire même une amputation totale des membres inférieurs. Il y a aussi des organes génitaux qui n'ont fonctionne pas correctement et ça peut entraîner aussi la stérilité secondaire, voire l'impuissance. Le traitement du diabète varie selon chaque personne et selon le type de diabète, d'après toujours le docteur Murunziza. Pour le diabète insulino-dépendant héréditaire de type 1, on donne l'insuline à vie. Donc le patient est obligé de prendre son insuline jusqu'à sa mort. Et pour le diabète type 2 non-insulino-dépendant, pour des cas graves, on peut donner de l'insuline, mais pour des cas qui sont détectés précocement, on peut donner le régime alimentaire et le diabète avec le sport et les demésines hygiéno-diététiques, le diabète guérit totalement. Mais pour les cas qui sont chroniques, on peut équilibrer avec des médicaments, des comprimés qui diminuent le sucre dans le sang comme le glycophage ou le Daonil, mais avec une hygiène et un respect des conseils, on peut vivre sans prendre de médicaments. Le diabète, une maladie qui peut également être prévenue dans certains cas. On propose aux gens adultes qui ont commencé à faire un travail de bureau ou des commerçants qui restent en position immobile, donc soit assis, qui sont des sédentaires, de faire du sport au moins 30 minutes par jour, surveiller leur poids pour voir s'ils ne sont pas obèses et aussi manger sain. Donc, et manger équilibré sans gagner trop de poids ou en poids en excès. Plus une personne fume, plus son risque de développer un diabète est grand, d'autant plus si c'est une femme. Merci Francine Ndokouga, c'est sur cette chronique santé que se referme cette édition et merci de l'avoir suivi. Merci à Aimé Toussaint Mitevoutsi pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal et vous étiez avec Évariste Ndikobanyanga. Bonne suite des programmes de la radio Sanganiso.